En allemand, il y a deux mots pour dire me. Si par me, vous voulez dire à moi, vous emploierez mir, qui s'écrit M-I-R. Si vous ne voulez pas dire à moi, me se dit mich, M-I-C-H. Par exemple, si vous voulez dire est-ce que vous me comprenez, comment dit-on comprendre? Verstehen. Bien, verstehen, verstehen, comprendre. Comprenez-vous se dit Verstehen Sie? verstehen Sie? Bien. Et maintenant, me comprenez-vous? Là, vous demandez bien me comprenez-vous et non comprenez-vous à moi. Me comprenez-vous se dira donc verstehen Sie? Mich verstehen Sie mich? Bien. Verstehen Sie mich? Comment dit-on venir? Kommen. Kommen. Et comment diriez-vous je suis désolé, mais je ne peux pas venir? Je suis désolé. Littéralement, cela fait de la peine à moi. Es tut? Es tut à moi. Mir, es tut mir leid. Es tut mir leid. Je suis désolé. Cela me fait de la peine. Là, me est employé dans le sens de à moi, donc c'est mir. Si me n'est pas employé dans le sens de à moi, c'est mich. Donc ici, on a es tut mir leid. Mais, Aber. aber, aber, oui. Donc, es tut mir leid, aber je ne peux pas venir. Ich kann nicht Venir? kommen. Oui. Es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. Trouver se dit finden. Finden. Finden. F-I-N-D-E-N. Le début du mot finden se prononce comme le mot fin. Grâce à mon oreille fine, j'ai pu trouver finden, mon portable. Je l'ai entendu sonner sous un coussin. Donc pour ceux qui ont l'oreille fine, trouver, c'est finden. À vous. Comment dit-on trouver? Finden. Bien, finden. Maintenant, si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose, comment direz-vous je suis désolé, mais je ne peux pas le trouver? Est-ce Es tut mir leid. Bien, es tut mir leid. Cela me fait de la peine, mais aber es tut mir leid, aber je ne peux pas le trouver. Vous n'avez pas l'oreille assez fine. ich kann es nicht finden. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht finden. Le mot allemand pour blanc est weiß. Weiß. Ce mot s'écrit W-E-I-S-Z et nous fait rencontrer une lettre bien spécifique de l'allemand, le S-Z prononcé S, car il équivaut à deux S. Weiß signifie blanc. On retrouve d'ailleurs ce mot dans Edelweiss, la petite fleur blanche des Alpes, et donc Weißwein, ça veut dire vin blanc. Mais Weiß a également un autre sens. Ich weiß signifie je sais. Donc, ich weiß ne veut pas dire je blanc, mais je sais. Je sais où trouver ces fleurs blanches appelées Edelweiss. Alors, comment diriez-vous je le sais? Je sais cela. Ich weiß es. Ich weiß es. Et je ne le sais pas? Ich weiß nicht es. Oui, ou bien ich. Weiß es? Ich weiß es nicht. Bien. Ich weiß es nicht. C'est l'ordre des mots le plus courant, où es vient avant nicht, comme dans ich verstehe es nicht. Le mot allemand pour dire où, dans le sens de à quel endroit, est wo. Wo. W-O. Encore un de ces petits mots commençant par W qui servent à poser des questions. Wo. Connaître où vaut la peine. Donc, où, c'est wo. ça vaut la peine. Comment direz-vous « Je ne sais pas où c'est, je n'arrive pas à le trouver. » Je ne sais pas. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, oui. Où c'est? Wo es ist? Bien. Ich weiß nicht, wo es ist. Je n'arrive pas à le trouver, c'est-à-dire je ne peux pas le trouver. Ich kann nicht es finden. Ich kann es nicht finden. Oui, c'est ça. Ich kann es nicht finden. Nicht est placé juste avant finden. On dit donc Ich weiß nicht, wo es ist. Ich kann es nicht finden. Je ne sais pas où c'est. Je ne peux pas, je n'arrive pas à le trouver. De même pour Je suis désolé, mais je ne sais pas où c'est. Je ne peux pas le trouver. On dira Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ich kann es nicht finden.